Âme de papier. Les livres sont des âmes reliées par la foi. Ils nous parlent en silence, sans jamais faire de loi. Chaque chapitre, une étoile brillant dans la biosphère. Ils sont nos compagnons dans ce monde de papier. Lisons sous les étoiles, la nuit comme le jour. Nos cœurs en harmonie vibrent d'un seul amour. Les pages se tournent, un récit sans détour. Sous le ciel étoilé, je m'envole, mon parcours. Chaque tome, un univers à explorer, vraiment. Des récits enchanteurs, des mondes fascinants. Ils nous transportent loin comme des organismes vivants. Les livres sont des trésors, des joyaux rayonnants. Lisons sous les étoiles, la nuit comme le jour. Nos cœurs en harmonie, vibrant d'un seul amour. Les pages se tournent, un récit sans détour. Sous le ciel étoilé, je m'envole, mon parcours. Les mots sont des astres scintillants dans le noir. Ils éclairent nos vies, nous donnent espoir. Chaque préface, une lumière, un phénotype d'espoir. Les livres sont des guides comme un phare d'ivoire. Sous les étoiles, la nuit comme le jour. Nos cœurs en harmonie, vibrant d'un seul amour. Les pages se tournent, un récit sans détour. Sous le ciel étoilé, je m'envole, mon parcours. Contiennent nos rêves, nos peines et nos joies. Chaque volume un univers où l'on croit. Les livres sont des miroirs de notre foi. Ils nous montrent la voie au-delà de l'effroi. Lisons sous les étoiles, la nuit comme le jour, dans nos cœurs en harmonie, vibrant d'un seul amour. Les pages se tournent, un récit sans détour. Sous le ciel étoilé, je m'envole, mon parcours. Sont des voyages à travers le temps. Elles nous emportent loin dans les courants d'océan. Les livres sont des bateaux, sont des océans mouvants. Ils naviguent en nous sereinement, constamment.